MHP. À la conquête de l'Ouest. Le Roman MHP. On est parti aux States. Et on a bien rigolé. Les neurones synchrones à la conquête de l'Ouest. On a trouvé des tonnes d'or au fin fond du Far West. East Coast, West Coast, je retourne ma veste. J'suis pas un ricain, mais j'ai pas la peste. Comme Clint Eastwood, j'm'installe à Hollywood. I'm in a bad mood, welcome to the hood. Comme Quest, to the West, y'a du monde roule. Laisse-moi passer au casting, sinon j'te boule. J'ai pris une gourde pleine de vodka caramel. To get high, to write ton mail sur caramel.com. J'm'essaye sur internet, clarinette, ma pépette. Qui m'est mort, tu tiens sur une disquette. J'ai acheté une maison à quelques millions. Je me la pète devant mes potes tous les jours. J'suis rond avec les paparazzi. J'suis une big personality. J'ai tellement de queues qu'il y a plein de putes dans mon lit. Welcome to the West. Les neurones et les crocs à la conquête de l'Ouest. Welcome to the West. On part au States faire la fête. Ah, ça t'intéresse? Sur MTV, yeah, heavy rotation, life is easy. Baseball cap sur le crâne, panoplie du quinri. Acheté au Halou, au sentier à Paris. Pour les billages, pour mon clip, j'ai pris un crédit. Histoire de renforcer ma street credibility. Tu comprends pas ce que je dis, t'inquiète pas, c'est normal. J'ai traduit leurs lyrics, tu verras, c'est lamentable. J'ai aussi acheté un putain de gros baggy. Une paire de Nike, I only drink NFC. Crystal and weed à l'apéro comme Jay-Z. Crunk juice avec Lil Jon, mais seulement le samedi. Le dimanche, pas choix frais pour la garden party. Hugh Hefner, c'est mon pote, il me fait trop gaulerie. Il m'a prêté son peignoir, mais il est 10 fois trop petit. Faut que je raccroche, les bunnies are waiting for me. Welcome to the West. Les neurones et les crocs à la conquête de l'Ouest. Welcome to the West. On part aux States faire la fête. Ah, ça m'intéresse. J'ai fait un freestyle avec Snoop Dogg. Dans le studio c'était le fog. J'voulais dance avec Beyoncé et Jay-Z. Qui voulait me taper chanter du Gwen Stefani. J'ai trop bouffé d'ecstasy. Jouer avec Jazz Mataz, il m'a trouvé trop naze. Clasher le Koji, j'préfère faire le DJ. J'veux rencontrer Outkast, j'ai droit à une dédicace. J'voulais voir Eminem, mais j'préfère Steve Selman. J'ai croisé de la soule, au moins eux ils étaient cool. À Compton j'ai rencontré le producteur Dior. Il m'a proposé des instruments, mais moi j'préfère SLJ. Lui des putains de beats qui claquent, tous les jours il en chie. Et même si je suis blanc, je suis pas le nouveau Slim Shady. Moi j'accroche plus avec les gars du Dirty Dirty South. Si t'es crunk comme nous, gueule Dirty Dirty South. Ciara elle est trop cool, elle nous accueille en résidence. Et Ludacris nous prête son jet pour notre retour en France. Welcome to the West. Les neurones et les crocs à la conquête de l'Ouest. Welcome to the West. On part aux States faire la fête. Ah, ça m'intéresse. Welcome to the West. Les neurones et les crocs à la conquête de l'Ouest. Welcome to the West. On part aux States faire la fête. Ah, ça m'intéresse. Oh, living large in the States. States. Oh, fais péter les travelers, check. Check. Oh, all about money and sex. California dream, and now we got it. Oh, living large in the States. States. Oh, fais péter les travelers, check. Check. All about money and sex. California dream, and now we got it.